Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, grandes sont les œuvres de l'Éternel. Recherchez par tous ceux qui prennent plaisir. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses merveilles. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Toujours.